connaissez Wolfgang Amadeus Mozart. Et vous connaissez aussi Jean-Sébastien Bach. Et vous avez entendu parler de Ludwig van Beethoven, n'est-ce pas? Il est facile à reconnaître, celui-là, il est toujours décoiffé. Bon, enfin, je m'égare. Je ne suis pas là pour vous parler de Beethoven, non? Oubliez Beethoven. Je suis là pour vous raconter mon histoire à moi. L'histoire de Boris Anacrouz. Mais chut, chut, le concert va commencer. Je vous retrouve dans un instant. Les évasions de Boris Anacrouz. Un texte de Pierre Sange. Réalisé par Alexandre Planck. Tous mes ancêtres étaient musiciens. Mon arrière-arrière-grand-père Vladimir jouait du clairon dans l'armée du Tsar. Mon arrière-grande-tante Anastasia jouait du clavecin dans son salon. Ce qui rendait fou mon arrière-grand-oncle, Dimitri, qui devait se réfugier au grenier pour répéter son saxophone. Mon arrière-grand-mère a fait le voyage à Paris pour jouer des castagnettes au pied de la tour Eiffel. Et ma cousine Adélaïde... Mais je m'égare une fois de plus. Si je fais le tour de la famille, je n'aurai jamais le temps de finir cette histoire. Bon, tout le monde vous le dira, je suis particulièrement doué pour la musique. Mes oreilles sont immenses. Je n'ai jamais vu personne porter d'aussi grandes oreilles. Sinon, des lapins, bien sûr. Mais les lapins, vous admettrez, ça ne compte pas. Tout petit, déjà, je faisais des prodiges au piano. Je me souviens des premières leçons données par Aglaïa, la cousine de l'oncle de l'une de mes grand-mères, je ne me rappelle plus laquelle. La musique, ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas s'embarrasser de toutes ces choses inutiles, les croches, les triples croches, les soupirs, les bémols, les bidules et les trucs. Tu verras qu'au bout d'un moment, tout finira par trouver sa place. Sache, pour commencer, qu'il suffit de jouer une seule note à la fois, c'est simple. Ensuite, la seule difficulté, c'est de le faire le plus vite possible. Tu comprends? Parfait. Ça, c'est un piano. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup de touches. Comment ça, beaucoup? Je vais te dire un secret. Toi, tu as 10 doigts, pas vrai? Eh bien, dans une gamme, il n'y a que 7 notes. 10 contre 7. Tu vois, aucune raison d'avoir peur. Bon, assez parlé. Maintenant, première leçon. Do. Je dois l'avouer, j'ai rapidement abandonné le piano. Je me suis rendu compte que si j'ai 10 doigts en tout, le piano, lui, comporte 84 touches. Ça complique évidemment le travail. Mais enfin, tant bien que mal, j'ai fini par apprendre à jouer d'un instrument. En fouillant dans le grenier de l'arrière-grand-oncle Dimitri, j'ai trouvé celui qui me convenait. Un instrument superbe, en or, scintillant, discret et élégant. Un triangle. Avec les années, j'ai appris à maîtriser le triangle. C'est plus difficile qu'on pourrait le croire. La plupart de mes confrères s'imaginent qu'il suffit de faire ding. Mais ils se trompent. Parce qu'il y a ding et ding. Autrement dit, il y a des milliers de façons de faire ding. Et je ne suis pas sûr de les connaître toutes. Je me souviens du jour où j'ai passé l'audition pour entrer à l'orchestre philharmonique. Avancez, avancez, jeune homme. Ne soyez pas intimidé. C'était la voix de Karl von Hubert, le chef d'orchestre. Comment vous appelez-vous? Boris, monsieur. Boris comment? Anacrouz, monsieur. C'est un nom étrange, mais on s'y habitue. Qu'allez-vous nous interpréter? La passacaille en ré mineur de Sébastien Schmertz. C'est une bonne idée. Mais avant cela, je vais vous poser une petite question. Vous permettez? Oui. Merci. Vous connaissez la 143e symphonie de Sébastien Schmertz? La 143e? Oui, je crois. Vous croyez? Ah, c'est celle qui commence par la di-da-da, di-da-da, di-da-dou. Si l'on veut. Je confonds peut-être? À la 659e mesure de cette symphonie, il y a un léger coup de triangle. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah oui, oui, oui, maintenant que vous me le dites, oui, un coup de triangle, assez joli. Très joli. Un pur chef-d'œuvre. Vous avez raison. Pouvez-vous nous jouer ce coup de triangle? Maintenant, à tout de suite, là. Si ce n'est pas trop vous demander. Bien. Voyons voir. Je me concentre un peu. Je vous en prie. Je me lance, hein? Nous vous écoutons. Voilà, voilà. Bon, c'est juste une interprétation, n'est-ce pas? Elle en vaut bien d'autres. Et puis, sans accompagnement, évidemment, ça sonne moins bien. Je peux réessayer, si vous voulez. Ça ira comme ça, monsieur Anacruz. Nous allons vous embaucher à l'essai. Il y a dans votre jeu un petit quelque chose qui me plaît. Ah, merci. Vous pouvez disposer. Candidat suivant. Une semaine plus tard, je m'achetais un nœud papillon, une chemise blanche et des souliers vernis. J'étais devenu musicien de l'orchestre philharmonique. C'est mon arrière-arrière-grand-père Vladimir qui aurait été fier de moi. Bonjour. C'est à moi que vous parlez? Bah oui. Tu es le nouveau, c'est ça? C'est mon premier jour. Bienvenue. Je suis Caroline Thompson, percussionniste. Je tiens la partie des timbales. Et toi? Moi? Le triangle. D'ici quelques mois, si tout va bien, je tiendrai aussi le pupitre des maracas. C'est beau, les maracas, quand c'est bien joué. Tu es prêt pour aujourd'hui? Je vais faire de mon mieux. Tu verras, le chef d'orchestre a l'air terrible au premier abord, mais il est la courtoisie même. Ah oui? Ne t'inquiète pas s'il lance sa baguette par terre. Ne t'inquiète pas non plus s'il fait voler ses partitions, on a l'habitude. Là, sur la gauche, le grand rouquin avec une énorme pomme d'Adam, c'est Gustav Gustafsson. En plus de jouer de la clarinette, il fait merveilleusement la cuisine. Il connaît un nombre incalculable de recettes. Le homard à l'américaine, le homard à la mayonnaise, le homard aux myrtilles, la purée de homard, les chips de homard. Bah, il doit aimer ça, le homard. Lui, là-bas, derrière la contrebasse, c'est Philibert le Cornu, le flûtiste. Et à côté de lui, là, la grande fille avec le nez comme un crayon à papier, c'est Louisa Elvira de Montebello. Tu connais? Plus ou moins. Mais si, voyons, la célèbre harpiste. Et le grand monsieur avec un tout petit violon, c'est... Je continuerai tout à l'heure, le voilà. Le chef. Bien, tout le monde est prêt? Nous allons reprendre. Symphonie numéro 93 de Otto Franz von Gluck von Kopf. Premier mouvement. Je veux de la nuance et de la... Comment dit-on en français? De la délicatesse. Faites-moi quelque chose de rond. Ouais, la symphonie numéro 93 de Otto Franz von Gluck von Kopf, vous connaissez, hein? C'est très beau, c'est même magnifique, mais comment dire, c'est peut-être un tout petit peu trop lent par moment. Un petit peu trop lent. Pour être tout à fait honnête, c'est même très lent, parfois. Beaucoup trop lent. D'une lenteur, vous ne pouvez pas imaginer. À croire que ça n'en finira jamais. Bref, c'est plutôt assommant comme musique. Ah, y a tout ce qu'il faut. Hein. Ah, des violons, des trompettes, des arpèges, des accords, ah, tout ce que vous voulez. Hein. Y a même un petit tri par-ci, par-là, pour faire joli. Mais on s'ennuie à mourir. Non ! Non ! Je vous ai demandé quelque chose de rond. Vous me faites quelque chose d'ovale, ça ne va pas du tout. On reprend. La musique, c'est bien beau, mais quand on joue du triangle, vous savez ce que c'est. On a le temps de tourner les pages et de regarder le plafond. Dans la symphonie numéro 93, il y a une petite note de triangle au tout début et une autre petite note de triangle juste avant la fin. Entre les deux, rien du tout. Une fois que j'ai interprété ma petite note, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je m'ennuie. C'est mieux. C'est mieux. C'est rond à présent. Mais c'est rond comme un ballon de football. Je veux que ce soit rond comme un pamplemousse. On reprend. Voilà mon problème. Quand je m'ennuie, je m'évade. Oh, je pourrais m'évader par la pensée seulement. Mais ça ne me suffit pas. Il faut aussi que je m'évade pour de bon. Surtout quand on répète pour la 100e fois le premier mouvement de la symphonie numéro 93 de Otto Franz von Gluck-Pontkopf. Psst, Caroline. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'ennuies pas? Ça dépend. Bord de la mer, je m'ennuie. J'ai horreur de la plage. Ah, non, je veux dire maintenant. Je m'ennuie pas, non? Et la musique? Tu trouves pas que c'est un peu lent? Chut, excuse-moi, c'est à moi de jouer. Elle en a de la chance. Quand on joue des timbales, on a beaucoup plus de travail. Ça occupe. Moi, non seulement je m'endors, mais en plus, j'ai terriblement envie d'aller faire pipi. Caroline! Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis occupée. Tu peux surveiller mon triant? 2 minutes. Il faut que j'y aille. Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien. Tant pis, c'est pas grave. J'y vais. Quand j'ai besoin d'aller aux toilettes, rien à faire, impossible de me retenir, il faut que j'y aille. Comme je suis au fond de l'orchestre, je peux me faufiler sous la grosse caisse, ensuite je longe les joueurs de tuba, je file derrière l'estrade, direction la petite porte qui donne sur la coulisse. Je tiens cette famille. Mon arrière-arrière-grand-père Vladimir pouvait quitter le champ de bataille pour aller faire pipi. Et un jour, devant le tsar. Mais c'est pas le moment de vous raconter l'histoire de mes ancêtres. Allez, hop, le couloir à gauche, les escaliers, une porte, je descends. Oh non, flûte. Je me suis perdu. Oh, satané couloir. Oh, par Saint Vladimir, je vais pas tenir. J'en peux plus. Allez, demi-tour. Une autre porte. Un autre escalier. C'est par là. Cette fois, c'est la bonne. J'y suis. Ouf. Maintenant, l'essentiel, c'est de rebrousser chemin et d'arriver à temps. Inutile de se presser. Je connais la route. Un escalier par-ci, un couloir par-là. Plus je m'approche et mieux j'entends l'orchestre. Il suffit maintenant de faire la manœuvre à l'envers. La petite porte qui vient de la coulisse. L'estrade par derrière. Je longe les joueurs de tuba. Tout doucement, je me faufile sous la grosse caisse. Et me voilà devant mon triangle. Ni vu, ni connu. Et voilà enfin une façon agréable d'échapper à cette satanée symphonie de Otto Franz von Gluck-Pontkopf. Et en plus, je peux aller aux toilettes sans être aperçu ni du chef, ni de personne d'autre. Même Caroline ne se rend jamais compte de rien, toute concentrée qu'elle est sur ses 2 énormes timbales et sur les minuscules notes de sa partition. Avec le temps, mes petites évasions sont devenues une habitude. Pendant que s'éternise la symphonie 93, moi, je me promène. Je passe la petite porte, j'arpente tranquillement les couloirs de l'opéra, les mains dans les poches. Je surveille l'heure à ma montre, et quand vient le moment de jouer, je suis infaillible. Et après chaque répétition ou après chaque concert, je retrouve mes collègues musiciens, mine de rien, dans les loges. Le deuxième mouvement était un peu trop rapide. Comme on était trop lent dans le premier mouvement, ça compense. Moi, ce qui me gêne, c'est que le chef n'arrête pas de se recoiffer. Je crois toujours qu'il me fait signe, du coup, je me mets à jouer. Il s'est passé quelque chose de bizarre dans le troisième mouvement, non? Oui, c'est moi, j'ai eu le ok. Non, je parle de la musique. Quand ça fait la dida dida da, ploum ploum. Ah oui, ploum ploum, juste avant les arpèges. Ah pardon, ploum ploum, c'est juste après. Oui, tu as raison. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de bizarre? Au lieu de jouer ploum ploum, on a joué plutôt plouf plouf, dans le style de Franz Schubert. Je me demande si c'était voulu. Je n'ai pas entendu plouf plouf. Moi, j'ai entendu ploum, comme d'habitude. Que dit la partition? Je me trompe peut-être. Il faudra en parler au chef. Qu'est-ce que tu en penses, Boris? Hein? Quoi? C'est à quel sujet? Tu as entendu ploum ploum ou plouf plouf? Comment ça? Où ça? Mais ici, ce soir, dans le troisième mouvement. La di da da. Ploum ploum. Eh bien, je. Difficile à dire. C'est subjectif. Chacun a son oreille, n'est-ce pas? Et puis en plus. On en a 2 chacun, alors les risques de se tromper sont doubles. Mais dis-nous ce que tu as entendu. Est-ce que c'était ploum ploum dans le style Mozart ou bien plouf plouf dans le style Schubert? Tu joues du triangle, tu as largement le temps d'écouter les autres. J'étais là, ah c'est sûr, j'étais là, derrière mon triangle, avec vous. Et j'ai tout entendu, je peux vous le dire. Et alors? C'était quelque chose comme ploumf ploumf dans le style Mozart-Schubert. C'est bien ce que je me disais. Oui, je suis assez d'accord. Bon, comme ça, ça me convient. Au commencement, mes évasions restent modestes. Je m'éloigne à peine, je me rends aux toilettes, je me lave les mains, je bois un verre d'eau et, paisiblement, en toute innocence, je rejoins mes collègues. Mais, de jour en jour, mon audace grandit. Je ne me contente plus d'aller aux toilettes, je poursuis mon chemin. J'emprunte d'autres escaliers, j'ouvre de nouvelles portes, toujours plus loin. Je franchis des espaces où je ne rencontre pas âmes qui vivent, de vastes salles peuplées uniquement de fauteuils vides, avec parfois, dans un coin contre le mur, un violoncelle oublié. Je passe des heures à visiter les coulisses de l'opéra. Je découvre les étages, jusqu'au plafond, et les tringles, d'où pendent des centaines de cordages, et puis vers les sous-sols, plongés dans la pénombre, et jusqu'à cette pièce minuscule où moisissent des costumes datant probablement du tsar Nicolas Ier. Bien sûr, je fais en sorte que personne ne me voie. Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes perdu? Non, pas du tout, au contraire. Vous êtes en tenue de concert? Vous êtes musicien? Musicien? À peine. Un petit peu de triangle par-ci, par-là. Vous n'êtes pas en train de jouer? Je suis venu en ami. Le nœud papillon, là? Oh, c'est rien. Je l'ai hérité de mon arrière-grand-oncle. Les spectateurs n'ont pas le droit de venir en coulisses, vous savez. Oui, oui, je retourne tout de suite à ma place. Par ici. Tout droit. Ensuite à gauche. À droite et encore à droite. Les escaliers du fond, puis la porte à gauche. Merci beaucoup. C'est étrange, votre voix me rappelle quelqu'un. Ça serait bien la première fois que je rappelle quelqu'un. Je trouve ça plutôt flatteur. N'oubliez pas. Tout droit. Puis à gauche. Merci beaucoup. Entrez, entrez! Vous avez demandé à me voir? Ah! Monsieur Boris Anacruz. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Votre période d'essai est terminée, vous le saviez. Ah, non, je... Je vous ai beaucoup observé ces derniers jours. M'observer? Moi? Mais pourquoi donc? Je n'ai rien de bien observable, je suis tout à fait quelconque dans mon genre. Je dirais même, je passe plutôt inaperçu en général. Oui, c'est ça, inaperçu, c'est de famille. Mon arrière-grand-oncle, Dimitri, sur un fond un peu sombre, hop, il disparaissait. Hein? C'est un peu ennuyeux, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Chacun ses petits soucis, hein? Des petits soucis. Dites-moi, vous aimez votre travail dans l'orchestre? Mais oui. Vous aimez jouer du triangle? Oh, j'adore, pensez donc. Le triangle, c'est toute ma vie. Et vous aimez la 93e symphonie de Otto Franz von Gluck von Kopf? Répondez-moi franchement. Ah, mais je l'adore! Tous ces violons, ces violoncelles, tous ces ré bémols! Oh, c'est un régal! Et puis le triangle là-dedans, un vrai délice. Tant mieux. Je vais devoir prendre une décision. Ah oui? Je vous engage. Voici les contrats. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Nous partons jouer la 93e symphonie à New York. Un concert exceptionnel au Bartleby Hall devant 5000 spectateurs. La 93e symphonie? Formidable! Je me réjouis d'avance. New York! La 13e rue, la 42e rue, la 5e avenue, Broadway, Brooklyn, les épiceries chinoises, tant de merveilles! 8 heures d'avion, juste le temps d'avaler un sandwich au poulet et une compote de pommes et nous voilà déjà en Amérique! Parmi un nombre invraisemblable de gratte-ciel. Bien sûr, avec le décalage horaire et notre emploi du temps serré, on n'a pas une minute à soi. Tout ce que j'ai pu voir de New York à mon arrivée, c'est le couloir de l'hôtel. Alors Boris, t'as le trac? Le trac, moi? Pourquoi faire? Jouer à New York tout de même, on est impressionné, non? Oh moi, tu sais, un petit coup de triangle de loin en loin, c'est pas sorcier. Je vais me mettre en tenue, à tout à l'heure. Bon, pour tout vous avouer, j'ai réellement le trac. À tel point que j'ai bu un petit verre de vodka pour me donner du courage. Un tout petit verre, mais suffisant pour me donner des frissons. Du coup, avec le décalage horaire, je ne sais plus si on est le soir ou le matin. Je dors littéralement debout. Disons plutôt, je dors assis. Assis devant mon pupitre, caché derrière la grosse caisse, mon triangle à portée de main. La salle de concert est pleine à craquer. Le chef se tient devant nous, déjà droit comme un poireau, raide comme la statue de la liberté. J'ai l'impression qu'il me regarde du coin de l'œil. Dans quelques secondes, nous allons entamer les premières mesures de la 93e symphonie. Et j'ai terriblement peur de m'endormir sur ma partition. Mais chut, ça commence. Voilà, j'ai donné mon premier coup de triangle. Et maintenant, je dois lutter. Lutter contre le sommeil. Ah, si j'osais, je ferais comme d'habitude. Je me faufilerais jusqu'à une petite porte et m'évaderais par les couloirs. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui m'en empêche? J'ai une bonne heure devant moi. Le chef est concentré sur sa partition, la grosse caisse me dissimule, et j'aperçois sur le côté, tout à fait vers la gauche, une petite porte par où je pourrais... Aussitôt dit, aussitôt fait, je passe derrière les joueurs de tuba, je descends de l'estrade, je passe la porte. Ouf, on se sent tout de même beaucoup mieux loin de cette musique soporifique. Bon, par où aller maintenant? Toutes les portes s'ouvrent à moi, il me suffit de choisir. Allez savoir les merveilles qui se cachent derrière. On est à New York, n'est-ce pas? Tout est possible au pays de l'extravagance et de l'incongruité. Des escaliers... Une autre porte. Ah, tiens. Elle donne sur la rue? Ah, je devrais peut-être pas. Enfermé dehors? Oh, ça n'arrive qu'à moi. Tant pis. Je trouverai bien le moyen de rentrer tout à l'heure. Je vais en profiter pour faire un petit tour de quartier. Hein, qu'est-ce que je risque? Il me reste du temps avant mon deuxième coup de triangle. 42e rue, 4e avenue, 36e rue... Ah, c'est pratique tous ces chiffres, mais curieusement, on s'y perd un peu. Je finirai par retrouver mon chemin, rien de plus facile, un jeu d'enfant. Toutes les rues se croisent à angle droit. Tiens, je suis déjà passé par là. À moins que je me trompe, je sais plus très bien. Quelle heure est-il? Ah, il ne faudrait tout de même pas se perdre, ce serait idiot. J'ai un coup de triangle à donner, moi. Ah, ces lumières, ces voitures, ces lampions, ces vitrines en pleine nuit... Il faut pas avoir le vertige. Oh, ça me rappelle quand mon arrière-grand-tante Anastasia s'est perdue dans une tempête de neige. Excusez-moi. Vous ne savez pas où se trouve la salle de concert? Évidemment, il comprend pas. Ah, quelqu'un me fait signe. Par ici, vous êtes sûr? Merci, monsieur. Ah, je reconnais pas, essayons quand même. Un escalier qui descend, c'est bon signe. Ça doit être cette porte. Oh, il y en a du monde. C'est peut-être l'heure de l'entracte. Oh, j'espère que le concert n'est pas fini. Mais non, je suis pas au bon endroit, c'est un bar. Je me suis complètement égaré. Laissez-moi passer. Autant prendre un verre, ça me donnera les idées claires. Une vodka, s'il vous plaît. One vodka, please. Merci. Allez, à Saint-Vladimir. Boris, je te cherche partout. Caroline, mais qu'est-ce que tu fais là? Comme toi, je passe le temps. La 83e symphonie, ça va bien 5 minutes, hein, mais à la longue, on s'ennuie. Alors du coup, je me promène. Mais tu fais ça souvent? Bien sûr, j'ai pris l'habitude, entre deux coups de timbale. Salut Boris, un peu de pop-corn avec ta vodka. Gustave, toi aussi? Mais regarde, il y a aussi Philibert, le flûtiste, et Louisa, l'harpiste. Mets-toi à l'aise, enlève donc ce papillon. Oh. Tu en fais une tête, tu pensais être le seul à t'évader? Y'a pas que nous, hein. Tout l'orchestre ici. Là-bas, les violons, sur la banquette, les violoncelles. On s'amuse beaucoup mieux mieux ici, tu ne trouves pas? La musique est excellente et les pop-corns sont remarquables. Ils ont un petit schnapps à tomber à la renverse. C'est vrai ça, un petit schnapps dans le style de Schubert. Demande au patron, il va te servir de sa bouteille personnelle. Le patron? Quel patron? Le grand type, là, qui vient vers nous. Tu ne le reconnais pas? Mais c'est notre chef. S'il me voit ici, il va me... Cher Boris, enfin vous voilà. Un petit verre de ce délicieux schnapps. Vous croyez? Là, tout de suite, dans ce verre? Rien de mieux pour nous remettre de cette horrible symphonie. Goûtez. Merci. Ne tremblez pas comme ça. Oh, pardon. Oh, je suis désolé, j'ai renversé du schnapps sur votre... Comment on appelle ça? Votre plastron. Ma chemise. Aucune importance, ce n'est qu'un morceau de tissu. Oh, je suis confus terriblement. Je n'ai pas l'habitude de boire du schnapps dans un verre. Je me sens pas très bien. Boris, vous êtes tout pâle. Ressaisissez-vous. Tout bien réfléchi, je préfère m'évanouir. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mon snap. Donnez-moi un verre et des pop-corns. Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es endormi? Où est-ce que je me trouve? Devant ton pupitre, Cornigo. Mon pupitre? Mais alors le bar, le schnapps, les pop-corns? Ça va barder, tu as oublié de donner ton coup de triangle. J'ai fait un drôle de rêve. Tu étais dedans? Ah oui? Eh bien, en attendant, le chef te fait signe. Tu devrais aller le voir. Dis-lui que tu es malade, que t'as attrapé le choléra, enfin, trouve quelque chose. Le choléra? Mais c'est une bonne idée, ça, le choléra. Monsieur Anacruz, vous pouvez venir me voir une minute? Tout de suite, tout de suite. Écoutez, je suis confus. Il y avait du choléra dans mon schnapps. Pardon? Vous allez comprendre. Peu importe, mon ami, je voulais vous féliciter. Moi? Vous êtes sûr? Me féliciter, ici, comme ça, tout de suite. Mais oui. De toute ma carrière de chef d'orchestre, je n'ai jamais entendu un si beau coup de triangle. Oui, d'une finesse incomparable, d'une netteté cristalline et surtout, surtout, un son tellement délicat qu'il était à peine perceptible. Ah, vous trouvez? Vous êtes un très grand musicien, monsieur Anacruz. J'essaie de faire de mon mieux. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Votre chemise, là, on dirait. Il y a une tache. Ah oui. En effet. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ça n'a aucune importance. Ce n'est qu'un morceau de tissu. Ah? Allez vous reposer, monsieur Anacruz. Vous en avez bien besoin, après une soirée pareille. Ah? Merci, monsieur. Je vais juste récupérer mon triangle. Les évasions de Boris Anacruz. Un texte de Pierre Sange. Avec Vincent Berger, Martine Chaubachère, Baptiste Roussillon, Delphine Cognard, Stanislas Sofanor, Jean-Charles Clichet, Perrine Dufroy. Bruitage de Sophie Bissons. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort et Sébastien Labarre. Assistante, Annabelle Brouard. Et à la réalisation, Alexandre Plum.